Les cahiers de Malte, Lauritzbridge. Livre audio gratuit, un roman de Rainer Maria Rilke. Traduction de Maurice Betz. Lu par Amina Grobis pour le compte de audiocité.net, sous licence Creative Commons.